On m'avait dit, pour être un homme, il faudra que tu aies des muscles lourds, des poings énormes. Il te faudra tuer, donner des coups, damer des pions, lutiner les fillettes, jouer aux cow-boys, aux espions, et finir ton assiette. Hélas, je n'ai pas su combler ces grandes espérances, car le bon Dieu a mal dosé mes hormones de croissance. Quant aux femmes, elles se succèdent, sans repos et sans trêve, l'une après l'autre, elles me cèdent, chaque nuit dans mes rêves. Tout bien considéré en somme, il faut se rendre à l'évidence, courber le dos sous la sentence, je ne suis pas un homme. On m'avait dit, pour en être un, il faudra en avoir, sans hésiter, prendre le train et faire ton devoir, router l'ennemi hors de France, mater le musulman, vendre le juif à son errance, laminer l'allemand. Oui, mais la vue d'un uniforme me rend neurasthénique, et je n'ai pas la moindre forme d'instinct patriotique. Je m'entraîne bien à beugler notre hymne national, mais les voisins à coups de balai brisent mon élan martial. Allons la vérité m'assomme, et je dois la regarder en face. Que voulez-vous donc que j'y fasse? Je ne suis pas un homme. Un homme, un vrai, travaille dur et gagne de l'argent, du berceau à la sépulture. Il ne perd pas de temps, très vite il émerge du lot. Des études brillantes à 30 ans, grand chef de bureau. Un Fatus à 60, le joli mot de réussite m'évoque plus volontiers les jeux de cartes hypocrites. Planqué sous les cahiers, mais la promotion, la carrière sont un bel idéal, ainsi que pas plus tard qu'hier. J'en parlais à mon cheval. Je ne serai pas au summum, je ne serai jamais au fait. Désormais la preuve en est faite, je ne suis pas un homme. Et de la masculinité, le critère radical est de soutenir ou de supporter une équipe de football, mais ces écraseurs de gazon me sont insupportables depuis qu'on a joué au ballon. Avec mon vieux cartable, il n'est plus temps pour moi de geindre ni de me lamenter. Sans plus tarder, je vais rejoindre le troupeau des PD, intellectuels ou musiciens, portés à la déviance, artistes chômeurs bons à rien, objecteurs de conscience. Après tout, que chacun me nomme, ou me surnomme comme il veut, car au fond, je souffre très peu de n'être pas un homme.